L'association d'études du kimilsonisme kimjongilisme de Rostov, Russie, a publié une déclaration condamnant la nouvelle résolution de sanctions contre la Corée adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU. La déclaration a qualifié cette résolution de produit des États-Unis qui se disent gendarmes mondiaux et de leurs suivistes et affirmé que le peuple coréen uni dans une seule pensée qui sauvegarde sûrement les acquis socialistes brisera la tentative des impérialistes d'affaiblir la puissance de la Corée victorieuse.